Est-ce que tu pourrais te présenter tout d'abord? Koué, oui, en fait, je m'appelle Mathéo, je suis un Innu du Pequagami, de ce qu'ils ont appelé le lac Saint-Jean. Est-ce que tu peux nous parler d'où tu viens? En fait, je viens d'une réserve, d'une communauté au lac Saint-Jean qui s'appelle Mastouyach. C'est une petite communauté d'Innu, comme c'est ça. Et on entend quand même beaucoup parler des Innu depuis quelques temps, en particulier à cause du plan Nord. Ouais. Il y a d'autres luttes qui ont lieu en ce moment, dont ouais. La lutte contre le barrage sur la rivière Val-Jalbert. Ouais, en fait, en ce moment, on peut dire quand même qu'au niveau du Québec, il y a les Innu en ce moment qui sont des endroits où il y a beaucoup de luttes anticoloniales, peut-être pas aussi affirmées qu'on pourrait le croire, c'est-à-dire vraiment dans une optique anticoloniale, c'est beaucoup contre des projets. Le plan Nord, c'est vraiment une attaque directement sur le Nitassinan. Le Nitassinan, c'est notre territoire, territoire d'où on vient. Donc, il y a vraiment des attaques sur ce territoire-là, une utilisation accélérée de l'extraction des ressources qui mettent vraiment en péril juste l'existence même des peuples Innu si on se rattache au territoire, justement. Le contexte d'aujourd'hui est de parler de décolonisation. Est-ce que tu pourrais nous élaborer sur la question, sur qu'est-ce que ça représente pour toi, ce mouvement ou ce processus qu'est la décolonisation? Bien, la décolonisation était vraiment axée sur la colonisation et toutes les tentatives que le gouvernement ou les peuples dominants ont fait pour coloniser les peuples autochtones. Puis c'est dans beaucoup, beaucoup d'aspects, puis on la comprend pas totalement. C'est-à-dire que les structures, les façons de fonctionner aujourd'hui dans nos communautés sont aussi un aspect colonial que le gouvernement a instauré lui-même. C'est-à-dire les conseils de bande sont des outils justement pour légitimer par l'utilisation d'élites autochtones les tactiques d'assimilation par la signature des traités, par le développement de projets en collaboration avec une élite qui, depuis toujours, hésite et n'iront pas prendre des décisions avec une manière consensuelle, comme on faisait traditionnellement. Ils ont trop peur, justement, que le peuple se rende compte qu'on se fait avoir par des Innu à cravate. Donc, du coup, quand tu parles de cravate, tu rappelles aussi au capitalisme, puis à comment le capitalisme colonise les mondes, là? En fait, pour exister, le capitaliste doit coloniser ces territoires-là parce que le capitalisme est basé sur l'extraction justement de ressources pour créer de la richesse. Puis les peuples autochtones n'ont pas nécessairement traditionnellement ce modèle-là, c'est-à-dire que l'extraction des ressources naturelles pour développer l'humain, pour développer l'idée de la société, n'est pas un modèle répandu dans les aspects traditionnels. En fait, il était même très, très restreint dans des pays qui étaient justement colonisateurs. On voulait parler, entre autres, de comment se vit la colonisation, puis aussi le processus de lutte contre la colonisation ici, dans ce qu'on appelle le Québec aujourd'hui. En fait, au Québec, on est dans un endroit particulier parce qu'on considère souvent que la... Mais je crois que partout comme ça, ça doit être partout comme ça, c'est-à-dire qu'on considère que le Québec, l'aspect francophone, a colonisé de façon moins pire ou était gentil avec les Autochtones quand ils sont arrivés. Quand on sait que c'est totalement faux, c'est-à-dire que la colonisation s'est faite de la même façon partout, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont arrivés avec des besoins pour un empire, puis ils ont décidé d'utiliser le territoire et les gens qui y étaient de façon à subvenir aux besoins de l'empire, que ce soit par l'esclavagisme, l'extraction de ressources naturelles, sur en Amérique du Sud, les mines et tout ça. Donc aujourd'hui, on a l'impression aussi que, moi j'ai souvent des discussions qu'on me dit qu'au Québec, la colonisation était beaucoup moins pire parce que c'était la traite des fourrures et tout ça, puis c'est quelque chose qui est totalement faux. C'est une idée qu'on essaie de passer justement aux Autochtones autant qu'aux Québécois, que justement le processus de colonisation au Québec était une façon gentille d'aider les personnes. Puis ça, c'est totalement faux, puis justement aujourd'hui, ça empêche peut-être aussi beaucoup l'idée de la lutte de décolonisation, de prendre son envol parce que justement, on considère que, justement, les Québécois considèrent peut-être qu'eux aussi ont été colonisés, mais il faut se rendre compte que dans le processus de colonisation des Autochtones, il y a eu la catholisation et le français forcé, et ça, c'est des choses qui sont très, très palpables. C'est-à-dire que si aujourd'hui, moi, je parle français et que je parle pas ma langue traditionnelle, c'est à cause d'une colonisation, et ça, ça fait que, vu que j'ai oublié ma langue, que ma famille a oublié sa langue, on peut difficilement expliquer le territoire. Puis la culture Innu, la culture traditionnelle, dépend du territoire. C'est-à-dire que notre langue explique le territoire. Si tu parles Innu, tu parles le territoire. Puis sans ce territoire-là, l'Innu a de la difficulté à être un Innu. C'est-à-dire que l'identité va être plus difficile. Fait que l'importance de protéger ces territoires-là à tout prix, c'est primordial. Puis justement, aujourd'hui, dans le processus de colonisation qu'on vit au Québec, il y a des grosses attaques en ce moment sur le territoire. Et la résistance commence à s'organiser, mais il va être important que les gens dans nos communautés, les gens au Québec, commencent à considérer que la colonisation est un processus établi depuis longtemps avec des stratégies. Et ces stratégies-là, justement, visent à, en ce moment, prendre des acteurs dans les communautés pour légitimer les actions qu'ils vont prendre. Puis même plus loin que ça, on pourrait voir aussi plein d'autres acteurs dans le milieu autochtone qui vont avoir amené un stéréotype ou amené des façons de penser que les gens vont tout de suite adhérer parce qu'ils sont autochtones, puis qu'on va les considérer comme des personnes, vu qu'ils sont autochtones, qui connaissent tout. C'est important de prendre conscience qu'il faut avoir une réflexion par rapport à la colonisation et par rapport à la décolonisation. Oui, c'est une lutte qui est légitime, une lutte qui est intéressante, mais c'est pas une lutte qui va se faire tout seul. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une réflexion par rapport à ça, puis qu'on pense à des stratégies et des moyens d'action. Est-ce que tu pourrais me parler justement de ces moyens d'action, mais aussi en partir de ton rôle ou de ta relation particulière en tant qu'Innu au territoire? Comment tu peux décoloniser toi-même ton rapport avec le territoire qui est l'Unitasinan? Mais en fait, pour pouvoir se décoloniser, je pense que c'est le plus dur, c'est se décoloniser l'esprit, en fait. C'est de retourner sur nos territoires, retourner apprendre notre langue, retourner comprendre c'est quoi le territoire. Puis le territoire en tant que tel, lui-ci, va t'amener à justement lutter. C'est-à-dire que quand tu marches sur un sentier de portage ou tu vas sur une rivière, puis tu comprends l'importance de ce territoire-là, la puissance de ce territoire-là, tu commences un processus, je crois, de décolonisation, de dire que non, l'idéologie capitaliste, le mirage des villes, le mirage de la société occidentale, c'est faux, c'est totalement faux. Ce qui est vrai existe déjà, existe toujours, puis c'est pour ça qu'il faut qu'on se batte, c'est ça qu'il faut défendre. Puis de là, les stratégies peuvent être diverses, c'est-à-dire que l'important, je pense, que c'est pas de choisir une stratégie en tant que telle, c'est d'évaluer toutes les stratégies qui sont possibles, évaluer les résultats qui pourraient en découler, puis d'y aller. C'est-à-dire que si ça prend une pétition qui va changer les choses, on fait la pétition, même si on a des fois l'impression que ça change rien. Si cette étape-là, il faut qu'on fasse, après ça, la mobilisation. Des fois, il y a des petites luttes qui vont amener à des choses beaucoup plus grandes. Puis en ce moment, il y a un processus qui se fait. Partout dans le monde, il y a des luttes autochtones qui commencent à émerger. Si on regarde en Amérique du Sud, partout dans l'Ouest canadien, aux États-Unis, en Australie. Donc, c'est important aussi qu'il y ait des moyens de transmettre ces messages-là, comme ce qu'on fait aujourd'hui, une émission de radio sur la décolonisation, de commencer à porter des messages aussi différents que qu'est-ce que l'image générale dirait. Comme si on regarderait, mettons, la lutte I Don't Know More, que ça a été un mouvement qui était intéressant pour mobiliser les gens, mais qui se sont embourbés dans des tactiques, dans des façons de faire, qui ralentissaient un petit peu la progression d'une lutte. Donc, il faut arrêter aussi de se stéréotyper comme si on était des peuples qui étaient pacifiques, des peuples qui étaient passifs, puis qui étaient tellement en harmonie avec la nature et paix et amour. C'est faux. C'est-à-dire que si nos ancêtres auraient vu qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les peuples autochtones, je suis pas sûr qu'ils auraient été pacifiques. Non, il y a personne qui aurait été pacifique parce qu'on est des personnes, des humains, des pères, des mères, des enfants. Puis quand tu vois ton territoire se faire détruire, puis qu'il n'y a plus d'espoir pour tes enfants, pour tes futures générations qui vont être les futurs ancêtres, ben, il n'y a aucune raison d'être pacifique. Il y avait François Fanon qui est une personne qui a beaucoup fait connaître la décolonisation puis les luttes de la décolonisation, qui était dans un contexte où, entre autres, il disait que la décolonisation ne pouvait pas se faire vraiment dans le pacifisme, qu'il y avait toujours un processus violent parce que la colonisation est extrêmement violente. Mais je ne veux pas tant parler de cette dimension-là dont tu as très bien parlé, mais plutôt que dans le contexte dont François Fanon parlait, qui était celui de l'Algérie, c'était un cadre d'une majorité qui devait mettre l'envahisseur dehors. Dans ce contexte-ci, ça demeure plus complexe parce que, étant donné que les Autochtones sont devenus, à cause du génocide, une minorité, ben, peu d'Autochtones vont parler de la décolonisation dans le sens de mettre tous les colons dehors, ou tous les descendants de colons dehors. Comment tu penses que les liens, d'un point de vue anticolonial ou de décolonisation, peuvent se faire entre les Autochtones et les non-Autochtones? En fait, je pense que le lien est difficilement prévisible, je te dirais, pour moi. C'est-à-dire que, mettons, dans une idée de décolonisation qu'on décide sur notre Nitassinan d'arrêter les industries minières, les industries de gaz et tout ça, est-ce que les peuples non autochtones vont suivre? Est-ce qu'ils vont nous appuyer? Est-ce que c'est ça la question? Je pense pas que c'est ça la question. Je pense que c'est notre devoir de le faire, de lutter dans cette direction-là et d'évaluer après qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est sûr que, en fait, l'idée de décoloniser totalement les territoires est un peu un objectif, je veux pas dire utopique, mais c'est une ligne de pensée, une direction qu'on va aller. Puis de là, on va découler des actions, de là, on va découler des décisions qu'on va prendre collectivement. Mais de spécifier une place pour chacun, je pense que c'est un peu difficile parce que c'est difficilement prévisible, mais on verra. Mais pour revenir aux luttes, justement, dans le sens de la décolonisation, quelles sont celles qui t'inspirent en ce moment? Les luttes de décolonisation qui m'inspirent en ce moment, c'est une bonne question. Ça peut être autant international que plus proche de nous. En ce moment, c'est sûr que ce qui se passe en Amérique du Sud est très, très, très intéressant. C'est-à-dire que Je pense qu'il y a eu au-dessus d'une centaine de conflits contre les mines en Amérique du Sud et qui éclatent un peu partout, si on pense aux les plus populaires comme le Chiapas ou les Apatistes, les Mapuches, en tout cas. Toutes ces luttes-là, je pense que c'est super intéressant. Je pense que tout peut nous inspirer. Si on regarde qu'est-ce qui s'est passé avec la crise d'Oka en 90, même si c'est pas très récent, on a quand même une bonne idée de justement les conflits qui pourraient se produire entre autochtones et non-autochtones quand on arrive à un conflit de décolonisation d'un territoire et de résistance. Je pense que toutes ces choses-là peuvent nous inspirer pour prendre des leçons de ça puis essayer d'évaluer. Je pense que c'est très inspirant. Puis en ce moment, la lutte contre la ligne 9, ça peut être très, très inspirant justement aussi. Qu'est-ce qui, dans ta vie ou ta vie récente, toute ta vie en général, t'a amené à te rapprocher de ce mouvement ou de cette idée de la décolonisation? Ben moi, en fait, par rapport à mon parcours de vie, j'ai grandi un peu partout. J'ai grandi dans ma réserve à Mastoyatch, mais j'ai grandi un petit peu partout. Puis un jour, j'ai été amené à travailler avec les aînés en territoire pour faire un recensement par rapport aux plantes médicinales. Fait que j'ai toujours eu, à partir de ce moment-là, un aspect de résistance, dans le sens de résistance à l'idée de modernisme, à l'idée du capitalisme et tout ça, par rapport à ma relation que j'avais avec les plantes, avec le territoire par rapport à ça. Ensuite de ça, est arrivé des événements comme les luttes étudiantes qui m'ont amené à voir une façon de contester qui était différente aussi de seulement dénoncer, c'est-à-dire de pouvoir contester physiquement, de pouvoir contester émotivement et de pouvoir se mettre vraiment en jeu. Puis de fil en aiguille, j'ai fait les ponts et j'ai rencontré les gens qui m'ont amené à réfléchir par rapport à comment mon combat que je mène depuis toujours sur mon identité pouvait être amené aussi à quelque part de plus loin, pas juste seulement subir, mais aussi agir contre justement cette crise d'identité. Cet aspect-là qu'on parle souvent en disant que dans les réserves c'est triste et tout ça, mais moi je veux pas sortir dans l'idée de la pitié et tout ça, ça m'exaspère encore plus, mais justement c'est de dire, ok, cette situation-là qu'on vit, ce feeling-là qu'on vit en dedans, quand on est en communauté, pourquoi c'est là puis comment on fait pour l'abattre. Puis de là amène une idée de lutte de décolonisation, je pense. Pour beaucoup de gens qui ont grandi en ville ou qui ont grandi dans des contextes coloniaux, parce que les villes font intégralement partie de tout ça. Le rapport avec les plantes, c'est comme quelque chose de... À la limite, les gens vont s'intéresser aux plantes et vont faire grandir chez eux, mais c'est pas du tout le même rapport que les plantes dans un territoire. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça, parce que ça aussi donne un enseignement? Ben en fait, justement, j'ai eu une discussion avec un monsieur dernièrement. Justement, j'essaie d'expliquer l'importance de connaître les plantes, parce qu'on parlait beaucoup du capitalisme, justement, puis... Ce monsieur en question-là était beaucoup plus proche du capitalisme, même s'il vivait des situations difficiles. Mais il me répondait que, dans le fond, lui, les plantes, ça ne servait à rien parce qu'il y avait l'épicerie à côté. C'était bien plus utile pour lui de savoir où est l'épicerie puis qu'il se foutait un peu des plantes. Mais l'affaire qui arrive avec ça, c'est que les plantes, c'est un prétexte. Les plantes en tant que telles, c'est pas une science en soi. C'est la culture qui est dans ces plantes-là. Quand tu parles d'une plante, le nom de la plante ne sera pas son nom latin. Ça va être un nom, la nourriture de la perdrix. Ça va t'expliquer un peu c'est quoi la perdrix. Puis c'est une idée aussi d'aller en forêt avec les aînés. C'est de faire des endroits où il va y avoir vraiment la transmission en dehors des villes entre les aînés et les plus jeunes pour ramener justement la culture. Puis les aînés, quand j'étais en territoire avec eux, ils me parlaient. Ils me disaient pas juste les plantes. Ils me parlaient de la langue. Ils me parlaient de l'importance de tout ça. Puis je pense que c'est pas une case, en fait. Les plantes, c'est pas une case, c'est quelque chose de large. Avec les plantes, tu peux apprendre sur l'idée de la possession, que justement, tu peux pas posséder une plante, tu peux pas posséder une roche, tu peux pas posséder une rivière, parce que ces choses-là, c'est pas nous qui les avons fait, c'est pas nous qui les avons créées, puis on peut pas les posséder. Si on les possède, c'est une psychose collective de dire qu'on peut posséder une rivière. Voyons donc, quelle espèce d'être vivant penserait à posséder une rivière? Puis ça, c'est fondamental, parce que ça pose tout le problème de la colonisation. Exactement, parce que c'est justement c'est l'idée de posséder. C'est l'idée de posséder et de dominer les autres, que ce soit les humains, les plantes, les roches, les rivières. C'est de posséder ces choses-là pour les dominer, pour l'utiliser à ses soins, pour ses petits caprices, puis de pas trop réfléchir sur justement les conséquences, parce que les conséquences sont beaucoup plus larges qu'on peut le croire. Des fois, on parle du concept de colonisation comme un concept un peu vague de qu'est-ce qui est arrivé, puis tout ça, mais de l'intérieur, il y a des choses qui sont palpables, puis qui sont difficilement explicables, dans le sens que comment expliquer les pensionnats? Il y a une commission de la réconciliation faite par le gouvernement fédéral, qui est très gentil, le gouvernement fédéral, de faire ça. Puis justement, ils mettaient des mots là-dessus, mais c'est très difficile à expliquer. Pour ceux qui n'auraient pas compris, c'était ironique. Ouais, en fait, ouais. Mais ça a fait du bien à des gens. Il y a des gens qui ont apprécié vraiment d'aller là, mais c'est un peu... ouais, c'est ça. Ben, justement, qu'est-ce que t'en parles dans la commission, puisque t'en parles? Ben moi, j'étais ambigu par rapport à ça. Je l'ai boycotté parce que je trouvais que c'était... hypocrite du gouvernement fédéral d'organiser ça, mais je l'ai regretté un petit peu parce que tout le monde qui y allait m'en parlait comme quelque chose de vraiment intense. Mais je sais pas si c'est encore d'attendre le gouvernement fédéral pour nous donner de l'importance puis tout ça, quand on a beaucoup d'importance. Puis au niveau des pensionnats, je pense qu'il y a d'autres choses qui ont été faites qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler. Il y a eu énormément d'argent qui a été donné. Énormément d'argent qui a été donné à la communauté par rapport à des années au pensionnat ou des services que les gens avaient subis, qu'il fallait qu'elles racontent leurs services. Puis c'est encore une idée d'acheter quelque chose qui a été fait. Puis comme une chanson que j'ai écoutée dernièrement de Savage Family, il disait, c'est pas les mots exacts, mais il disait, on peut pas pardonner qu'est-ce qui a été fait parce que quand ils l'ont fait, ils l'ont pas fait pour que ce soit pardonnable. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été fait dans les pensionnats, on ne doit jamais oublier ça, on ne doit jamais pardonner ça parce que pour les Autochtones, ça a été un outil complètement dégueulasse de colonisation, complètement dégoûtant. Puis qu'on ressent encore très très bien les impacts aujourd'hui. Donc de dire qu'on peut pardonner ces choses-là, de se réconcilier, je trouve que c'est difficile. Est-ce que tu pourrais nous parler de lectures inspirantes ou de sites internet ou peu importe, de façon que les gens peuvent s'informer sur la décolonisation? De lectures inspirantes, c'est clair que moi je suis pas un grand lecteur, je suis beaucoup pour la tradition orale. C'est-à-dire, ben, j'aime lire, mais j'ai de la difficulté. Mais si on regarde Gordil, la BD qu'il a faite, c'était quelque chose de très intéressant justement parce que ça t'amenait un aspect plus visuel. 500 ans de résistance autochtone ou 500 years of indigenous resistance. Oui, mais je pense que c'est important la lecture, mais je pense que c'est important aussi d'aller rencontrer les gens. Beaucoup plus que la lecture, c'est-à-dire que si on va dans les endroits où il y a des luttes ou où il y a des gens qui sont en lutte, qui résistent, qui peuvent en parler, qui peuvent avoir un échange, l'échange va être beaucoup plus constructif pour la personne qui va en parler puis pour la personne qui reçoit. Fait que je pense que dans une optique aussi de tradition orale, d'amener cette optique-là, que la tradition orale va amener un imaginaire beaucoup plus large qu'une lecture, je pense que moi, ce que je conseillerais aux gens, c'est d'aller rencontrer les gens, de se mettre en jeu, de sortir de notre confort, de justement d'aller se décoloniser l'esprit de cet outil-là, ce médium de transmission de savoir qui est intéressant aussi. La discussion, la rencontre physique avec quelqu'un, les liens qui peuvent se créer là-dedans, je pense qu'ils sont beaucoup plus instructifs que beaucoup de livres, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui sont super intéressantes qui sortent. Si tu regardes, mettons, Invincible, le film de Frank Lopez, qui est très intéressant, qui peut amener une idée de, un peu des luttes et tout ça, mais au niveau de la lutte autochtone, je pense que le primordial, c'est d'aller rencontrer les Autochtones pour la décolonisation. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, fuck Harper. Et fuck Marois? Ouais, fuck Marois aussi. Toute cette gang-là. Tous ceux qui ont des cravates puis qui décident pour nous qu'est-ce qu'ils vont faire avec nos territoires. Je pense qu'il est plus que temps qu'on arrête cette idée de démocratie représentative imposée par le dominant puis qu'on commence à s'affirmer entre nous. Donc, je lance l'idée. Merci. De rien.